فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ Et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ Et observe, ils verront bientôt. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ Et paix sur les messagers. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Et louange à Allah, Seigneur de l'univers.